Tout paraît plus simple aujourd'hui. Il connaît son métier. Il a cette confiance que lui envie les nouveaux. Le retour ne sera qu'une formalité, et c'est bien ainsi. Mais demain, déjà dans d'autres trains, il redeviendra un voyageur ordinaire à qui l'accès en cabine sera interdit. Un voyageur n'ayant qu'un souci, s'installer confortablement pour encore admirer les paysages, mais au travers des vitres latérales. C'est le retour à la case départ, après un passage rapide dans une tranche de vie inoubliable, une parenthèse dans un long fleuve qui n'a pas toujours été tranquille. Il se souviendra longtemps encore des futiles anecdotes mille fois répétées qui deviendront des moments de gloire ou des blessures indélébiles. Autant de mésaventures récurrentes colportées dans le réfectoire, mais qui peuvent devenir des actes de bravoure où chacun trouvera son bonheur. De petits riens de tous les jours qui peuvent prendre dans ce milieu des allures de légende. Marcel trace son dernier chemin dans les ténèbres du Morvan en tentant de se rassurer. Il pense à tous ses projets qu'il a si souvent évoqués avec des amis pour combler le vide de sa future nouvelle vie, la pêche, le bricolage, la famille. Et puis, tous ces voyages qu'il n'a pas faits quand les enfants étaient petits, quand il fallait payer les traites de la maison. Et cette maison qu'il faut terminer, maintenant qu'il va avoir du temps. Ce n'est pas le temps qui va manquer, c'est sûr, il ne languira pas. Les copains, la semaine, la famille, le dimanche, les nuits au lit, les repas réguliers, à n'en pas douter, il s'y fera facilement. Quelle belle vie! Et puis, il faudra garder le contact avec ceux qui sont restés au boulot, les revoir, refaire le monde, dans des discussions d'une déconcertante désinvolture, pour ne pas perdre la main. Déjà, eh oui, déjà, au loin, des chapelets de lumière trouent l'obscurité apprivoisée et annoncent l'imminente arrivée au terminus. 4 heures de route à fond la caisse, avec une halte rapide et sans surprise, en gare d'Avignon. Marcel se sent bizarrement oppressé par la troublante réalité du monde où tout bascule.